19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Voici peu, une étonnante réunion d'experts se tenait au siège de l'UNESCO, place de Fontenoy à Paris. Le sujet, une urgence, puisque le trafic d'antiquités et le pillage des sites archéologiques semblent profiter de la pandémie mondiale, du Covid-19, et prend actuellement une ampleur insoupçonnée. 50 ans après la convention interdisant l'importation et l'exportation illicite des biens culturels, que se passe-t-il aujourd'hui ? Pour évoquer ce que l'on appelle les antiquités du sang, décrypter les mécanismes et les enjeux de ce trafic illicite, deux invités, Lazare Elundu Assomo, Vincent Michel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Lazare Elundu, vous êtes directeur de l'entité culture et situation d'urgence de l'UNESCO. Vous êtes donc au cœur de la problématique que nous développons ce soir. Professeur d'archéologie de l'Orient classique à l'université de Poitiers, Vincent Michel, vous êtes aujourd'hui dans le magazine d'archéologie de France Culture, car vous dirigez la mission archéologique française en Libye, Libye actuellement pays martyr et dont le patrimoine est largement pillé par diverses factions armées. Nous en reparlerons. Lazare Elundu, le pillage a-t-il augmenté durant cette pandémie ? Je dirais que le pillage a été énormément constaté pendant cette pandémie. Immédiatement après les décisions de confinement, nous avons mis en place à l'UNESCO une veille pour essayer de voir ce qui se passait dans le domaine de la culture de façon globale. Et sur cette question du trafic illicite a commencé à apparaître des nouvelles, des articles sur cette question, des pays qui nous alertaient. Et nous avons donc décidé de consulter nos partenaires avec lesquels nous travaillons tous les jours pour prévenir le pillage et le trafic illicite. Et ces partenaires, nous les avons réunis, Interpol, l'ICOM, WCO, qui sont quelques-uns des partenaires. Et nous leur avons posé la question. Et étonnamment, ces partenaires avaient eu les mêmes constatations. Et c'est à partir de là que nous nous sommes plongés pour essayer de comprendre vraiment ce phénomène. Vincent Michel, vous avez vous aussi vu cet accroissement donc des pillages ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les pillages ne sont pas nés avec le Covid, mais que le Covid a été un facteur aggravant. On est dans une situation un petit peu délicate, où les sites sont moins surveillés, les gens circulent moins, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Donc c'est vrai que ce sont des sites qui sont libres d'accès. Et le Covid a aussi aggravé la situation économique, donc ce besoin d'argent. Et puis aussi, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, si pendant longtemps, en fait, les gens n'avaient pas forcément conscience de la valeur patrimoniale, justement, des monuments, des sites qu'ils côtoyaient à proximité, maintenant, ils ont conscience de la valeur financière. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est une source de finances. Donc, le patrimoine va être ciblé par des petits trafiquants comme de la grande criminalité. Donc, c'est pas simplement quelque chose qui sera réservé à une élite, des détectoristes ou bien des bandes organisées. Ça touche beaucoup plus de monde dans sa globalité. Et c'est vrai que, comme Lazare, eh bien, j'ai questionné effectivement mes partenaires sur le bassin méditerranéen oriental et j'ai vraiment reçu la même chose, le même alerte que les sites sont pillés. Alors, ce sont les sites qui sont pillés, donc fouilles illégales, bien sûr, mais ce ne sont pas les musées qui sont touchés. Non. Et notre difficulté, c'est qu'on aurait préféré, entre guillemets, que les musées soient pillés. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur, il y a des objets qui sont inventoriés, répertoriés. Et donc, rechercher un objet volé, c'est relativement plus facile qu'un objet qui a été pillé. Un objet qui est pillé, c'est un objet qui est orphelin. Et lorsqu'il rentre dans le marché illégal, c'est fini. Lazare Elundu, les organismes présents à cette réunion de l'UNESCO étaient visiblement très variés, allant bien sûr d'Interpol à l'Organisation Mondiale des Douanes. Le moyen de lutter, c'est de regrouper donc tous ces organismes pour trouver une sorte de synergie commune. Ce qui était important lors de cette réunion était déjà de comprendre un peu comment chaque organisation, d'abord, avait analysé la question et essayait de s'organiser. et comment ensemble nous pourrions créer cette nouvelle dynamique qui permettrait non seulement de sensibiliser le public sur les dangers du trafic illicite, mais aussi d'accompagner les pays qui étaient touchés par cette Covid. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'impact de ce confinement était que les sites étaient plus surveillés. Et comment, dans des situations comme celle-là, il fallait agir. Et c'était ça qui était important. Écouter ces organisations, écouter ces partenaires, écouter surtout les experts comme Vincent Michel et autres qui étaient là pour nous apporter leur éclairage. Alors, parmi ces experts, il y avait les chercheurs du projet ATHAR, A-T-H-A-R, qui ont signalé dès avril 2020 l'augmentation des ventes illicites en ligne. Ah oui, non, c'est flagrant. Moi, je l'ai vu aussi en Libye, parce qu'au départ, il n'y a pas de site pour vendre, soit il n'y a pas de touristes. Et puis, progressivement, Internet arrive. On voit apparaître aussi donc des sites de vente. Et puis, là, justement, depuis quelques mois, on voit à l'intérieur de ces sites type OpenSoup des marchands qui vendent des détecteurs de métaux. Autant vous dire, ça va être un carnage. Pour revenir effectivement à l'UNESCO, c'est vrai que la solution, c'est vraiment dans ces actions transversales. La lutte contre le trafic illicite de biens culturels, chaque mot a une importance. C'est d'abord une lutte. Et c'est pour ça que au premier rang desquels, il faut absolument mettre les douaniers, les policiers. Et la difficulté, parce qu'il y a un trafic légal et illégal, donc travailler aussi avec le marché de l'art. Trafic illicite. Et donc là, il y a vraiment des actions répressives. Donc c'est pour ça que les magistrats ont la nécessité, voire même l'obligation d'être présents. Et les biens culturels, c'est-à-dire les sachants, hein, ce sont ces experts. Et nous, comme experts, eh bien, on est là à la fois en répressif, c'est-à-dire que on va essayer de détecter les objets qui sont menacés. Et puis, on va aussi servir en bout de chaîne pour la police, pour les douanes, pour expliquer. Il faut le dire, les biens culturels et les antiquités sont au troisième rang des commerces illicites mondiaux, Lazare Elundo. Le commerce autour du trafic illicite, de façon globale, il y a des estimations qui disent que cela va jusqu'à près de 64 milliards de dollars par an. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et à l'intérieur de ce commerce, on a à peu près 10% qui sont issus de ce trafic illicite, plus ou moins. Et c'est vrai que c'est des chiffres qui parlent. On pourrait se dire que 10%, c'est peut-être pas grand-chose. Mais c'est pas ça. Mais c'est le préjudice moral que ce commerce illicite a sur l'identité des peuples. Et d'ailleurs, ce que disait très bien Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, qui disait que le trafic illicite prive les peuples d'un patrimoine qui fonde leur identité et leur développement. Et c'est ça la question sur laquelle on doit s'arrêter quand on voit l'impact de ce trafic illicite aujourd'hui dans le commerce. Vincent Michel, on parlait à l'instant d'identité des peuples. Moi, j'y vois aussi l'identité des objets. Ce sont des objets orphelins, les objets du pillage, il faut le dire. Ah, ce sont des objets orphelins. Et c'est vrai que là, on voit très clairement, à partir des expertises, soit pour les douanes, soit pour la police, que 80% des objets sont des objets pillés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inventoriés et répertoriés dans les musées ou dans les collections privées ou publiques, mais ce sont des objets qui ont été soustraits à un contexte archéologique et donc qui nous privent réellement. C'est pas simplement « oh, quel dommage ». Non, ils nous privent véritablement d'informations permettant eh bien, de comprendre un site, un monument, un territoire, une région, une façon de penser, de prier, de se déplacer. Une quantité incroyable d'objets qui disparaissent en fait sous l'action désolante justement des pilleurs qui ne se rendent pas compte. Ou en fait, un objet qui a différentes valeurs identitaires, religieuses, sociales, historiques, patrimoniales, est réduit à un objet qui a une valeur marchande. Le grand enjeu, c'est bien sûr ce que l'on pourrait appeler les antiquités de sang ou les antiquités du sang, notamment bien sûr liées aux pays en guerre. On se souvient d'ailleurs que Daesh délivrait à l'époque des permis de fouilles, c'est dire. Oui, on peut plus ignorer le lien entre le financement du terrorisme et le trafic des biens culturels. Pendant très longtemps, et même le marché de l'art s'est dit « mais non, vous affabulez, c'est pour faire le buzz ». Pas du tout. La prise de conscience, c'est justement la découverte à l'occasion d'un raid des Américains, la cache d'Abou Sayyaf, où là, on découvre en fait toutes les archives qui nous montrent très précisément l'organisation justement eh bien de la délivrance de ces permis, des moyens justement de récupérer de l'argent ou effectivement donc 20 à 30% des transactions ou bien les objets eux-mêmes. Donc on a véritablement tout un réseau. Mais surtout, vous regardez en fait ces images de Marie, de Droit Repos, d'Apamé qui sont minées Donc ça, c'est pas simplement justement des, à la recherche d'un objet. Ce sont des milliers, des centaines de milliers d'objets qui sont privés justement de leur sol, qui... Et là, il n'y a pas de recette. C'est toute la difficulté, en fait. Il y a des objets qui restent sur place, qui attendent justement des jours meilleurs pour être écoulés sur Internet ou par la Poste ou par FedEx. Et puis, il y a des objets qui, dès maintenant, en fait, sont écoulés. 20% des ressources de Daesh proviendraient de la commercialisation d'antiquités. Un autre chiffre, parce qu'il y en a beaucoup. L'archéologie aurait constitué le deuxième poste des recettes du groupe terroriste. C'est assez difficile, tout ça, à quantifier. C'est même inquantifiable. Oui, c'est peut-être difficile à quantifier. C'est un phénomène, de toute façon, où on a observé un certain nombre de choses sur le terrain, à travers ces sites qui sont pillés, et pas qu'au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, et notamment dans le Sahel. Parce que les terroristes, ils vivent de quoi? Ils vivent de la contrebande, pour la plupart. Et ça fait partie aussi, les objets culturels, le pillage et leur vente. Parce que ces routes sont des routes qui ne sont pas contrôlées. Et bien sûr que ça rapporte. Routes commerciales, et c'est des routes commerciales en général. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, ils ont besoin, eux, de financer leurs activités. Et donc, tous les moyens sont bons, comme on dit. Et l'émission a beaucoup, bien sûr, parlé de Daesh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces antiquités, ce butin pillé, serait parfois stocké dans nos pays au travers de ports francs. Vincent Michel? Ben oui, vous savez... Sorte de réserve? Oui, objet, route et réseau. Vous savez que vous trafiquiez des médicaments, des êtres humains ou des biens culturels. Je veux dire, les trafiquants, la seule motivation, c'est l'argent. Bon, donc ils vont utiliser, bien évidemment, des réseaux qui sont connus. Il va pas y avoir de nouvelles routes, si ce n'est qu'ils vont relier des personnes différentes. C'est-à-dire, effectivement, le pillard et le collectionneur. Et donc, pour permettre, justement, la transaction, soit on utilise des réseaux connus comme Internet, comme les réseaux sociaux, soit on utilise, pour les plus grandes pièces, effectivement, donc les ports francs. Et là, on voit justement que, voilà, là aussi, c'est très simple, le trafic des biens culturels va se déplacer en fonction justement du déplacement des richesses, en déplacement des conflits et déplacement de l'application ou non de règles. Donc là, le trafiquant va aller là où la règle est plus, voilà, bon, met un peu à l'abri les trafiquants, met à l'abri effectivement donc ce type d'échange. Hein, alors les ports francs, c'est quoi? C'est Genève? C'est Genève, c'est Luxembourg, c'est l'Europe. L'Europe n'a absolument pas donné des leçons. Je veux dire, les ports francs, c'est un phénomène mondial, international, puisqu'encore une fois, c'est fluidifier des relations commerciales. Et donc, on fluidifie aussi le trafic. Donc c'est aussi Bangkok, c'est aussi Abu Dhabi. Ah, mais oui, enfin, je veux dire, les pays du Golfe, c'est donc tous ces ventres mous qui, en fait, ne jouent pas le jeu, en fait, hein, qui jouent, eh bien, un double jeu. Parce que ce double jeu est là, parce qu'il y a un trafic légal. Et on joue justement sur l'ambiguïté trafic légal et trafic illégal. Et donc c'est pour ça que l'Asie ou les pays du Golfe sont pas forcément des pays destinataires, mais des pays de transit. C'est-à-dire où les objets vont passer pour s'acheter une nouvelle histoire, un nouveau pédigré, pour être en quelque sorte blanchi. Et curieusement, j'ai été moi-même contacté par un pays dont la police avait arraisonné dans ses eaux un navire parti donc de Dubaï et contenant des vestiges archéologiques. Lazare Ilundu. Alors, sur la question des ports francs, je crois que à l'UNESCO également, cette question est en discussion. Pourquoi? Parce que c'est important que les pays revoient aussi leur législation nationale pour pouvoir regarder de plus près cette question. Parce que il faut pas le nier, et on le sait de plus en plus que dans ces ports francs, il est arrivé à plusieurs reprises de retrouver des objets qui étaient venus des pays en guerre, qui avaient été pillés sur les sites et qui des étaient. Antiquités du sang. Et des antiquités, quelque part, qui étaient là. Et c'est important que les législations de ces pays, et c'est une question que l'on va continuer à débattre à l'UNESCO dans les prochains mois également. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Où se situent les enjeux? La Syrie et l'Irak, bien sûr, le Yémen, dont on parle très peu et qui recèle des merveilles de la période sud-arabique. Lazare Ilundu, c'est aussi le Mali, le Sahel? Oui, c'est un phénomène mondial, le trafic illicite. C'est un phénomène qui prive les populations, les communautés, des éléments qui sont très importants pour leur culture et leur identité. Et au Mali aussi, donc, et même en Amérique latine. Et on ne parle pas que des situations de conflit. Parce que la question du trafic illicite, eh ben, c'est un phénomène commercial. Et donc, pour parler du Sahel et du Mali, mais bien sûr, c'est vrai, quand vous allez dans le nord du Mali, dans ces zones qui sont occupées, ces grandes zones désertes, que ce soit à Essouk, que ce soit à Gao ou ailleurs, on a vu des sites archéologiques complètement fouillés à 80%. Et tous ces objets sont allés où ? Des objets qui datent du 2e siècle après Jésus-Christ, qui sont tellement importants et qui sont revendus dans des marchés noirs ou qui se retrouvent quelquefois chez certains antiquitaires ou certains marchands d'art. Et c'est ça la question. Il faut la regarder de façon globale pour que les polices coopèrent, que les douanes coopèrent, que les législations puissent être harmonisées de façon à ce qu'on puisse comprendre ce qui se passe depuis les pays sources jusqu'au pays de destination. Nous savons qu'Internet donc facilite le trafic d'objets, généralement de petite taille et d'un faible coût. Ne peut-on pas dire alors qu'en achetant un objet archéologique, Monsieur Tout-le-Monde peut contribuer au financement du terrorisme ? Ah bah, de toute façon, c'est un marché. Pas de demande, pas d'offre, pas d'offre, pas de demande. Enfin voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est vrai que Internet permet, grâce à la rapidité des transactions, grâce aussi à l'anonymisation du vendeur comme de l'acheteur, facilite les transactions. Donc en fait, il y a une sorte d'industrialisation qui est permise par la technique. Et la grande difficulté, encore une fois, c'est un problème de traçabilité des objets. Un objet volé, il est traçable. Même si, bien évidemment, les restaurateurs, les experts vont pouvoir justement un peu blanchir, c'est-à-dire rajouter un peu de patine ou bien l'enlever, mais également, les objets pillés sont au contraire des objets qui n'ont pas de provenance. Vincent Michel, j'ai souvenir des fouilles françaises en Libye. André Laronde était même venu dans l'émission évoquer le sujet. Aujourd'hui, c'est vous donc qui avez repris le flambeau, mais votre mission a pour partie été interrompue. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Ben écoutez, la dernière mission archéologique de terrain a eu lieu en 2012. C'est vrai que 2011, on n'a pas pu à cause de la guerre civile. Donc on a réussi dès 2012 à repartir, aussi fouiller. Et c'est vrai qu'on a été très bien accueillis, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, puisque la mission française couvre au-delà des périodes archéologiques. La Cyrénaïque et la Tripolitaine. Oui, alors Cyrénaïque et Tripolitaine, donc la Cyrénaïque à l'est et la Tripolitaine à l'ouest. Il faudra ajouter le faisan, mais la mission française pour l'instant n'y est pas présente. Et comme disait mon prédécesseur André Laronde, pays célèbre avec un patrimoine totalement méconnu. Oui, c'est curieux d'ailleurs. Donc on est reparti fouiller en 2012, un peu la fleur au fusil. Et c'est vrai que c'était extraordinaire de pouvoir revenir sur nos terrains où on a pu véritablement constater que malheureusement par rapport aux voisins, eh bien le patrimoine n'avait absolument pas été touché. C'est-à-dire que le patrimoine en Libye n'a jamais été la cible justement eh bien des trafiquants, mais aussi des miliciens. Deux mots sur les fouilles françaises. Tout d'abord, un exceptionnel site, Leptismania, en Tripolitaine. Site absolument extraordinaire. Extraordinaire. La Rome de l'Afrique. Le site de Septime Sévère, qui lui a donné effectivement toutes ses lettres de noblesse. Donc, noblesse, c'est un site magnifique, gigantesque. Il n'y a pas de nom pour qualifier justement ce site. Mais ce site aussi méconnu, hein, de la part du grand public. Donc, on est présent effectivement sur le site de Leptis. Et puis également... Vous avez trois autres sites en Cyrénaïque. Exactement, en Cyrénaïque. Là, on touche bien évidemment de toutes les périodes, donc période hellénistique et romaine, avec le site d'Apollonia, qui est vraiment la fouille mère un petit peu de cette mission qui est née avec Pierre Montet dans les années 50. Le site d'Antiquité tardive, avec le site que je fouille, donc le site de Latroun, où l'idée, c'est de pas simplement fouiller des églises, mais de fouiller un village pour la première fois. Et puis un site qui intéresse le néolithique, hein, donc avec la grotte d'Abou Tamsa, fouillée par Élodie de Fauquemberge. Durant la guerre de février à octobre 2011, l'archéologie ne semble pas un enjeu réel. Depuis 2011, les sites sont désormais pillés. On connaît le nombre d'objets pillés dans les musées. C'est probablement très difficile d'estimer aussi les fouilles clandestines. Oui, c'est très difficile parce qu'encore une fois, on manque des inventaires. Et c'est vrai que l'UNESCO a été alarmé en fait à la suite du vol assez retentissant de 7700 pièces de monnaie dans la banque commerciale de Benghazi, qui était vraiment ce côté effarement, parce que voilà, ça c'est un trésor monétaire que les Italiens avaient rendu donc dans les années 60 à la Libye, qui dormait dans un coffre-fort, hein. Donc là on se dit que c'est un peu l'attaque de la diligence ou de la banque au Far West. Et progressivement, eh bien cet argent, alors soit réapparaît à l'occasion de ventes en Europe, On a cette traçabilité, donc on peut les reconnaître, même si c'est toujours difficile de reconnaître effectivement une pièce de monnaie comme provenant d'un site particulier. Mais ce qu'on peut craindre, c'est que sur cette 7700 monnaies, les trois quarts aient disparu puisque refondues. Hein, et transformé voilà, en lingots pour d'autres choses. On voit effectivement que la Terre porte ses stigmates, hein, effectivement de ces fouilles clandestines. Hein, et c'est vrai que pour l'archéologue, là où c'est ciblé, bien, ce sont les nécropoles. Le risque majeur vient bien sûr du grand commerce frauduleux qui a ses réseaux internationaux et ses circuits de vente. La Libye est touchée ? La Libye est très touchée. La Libye fait face justement à un trafic très ciblé. C'est vrai que c'est toujours difficile de distinguer un objet d'un pays, d'une région, d'une époque. En Libye, on a la chance justement d'avoir deux types de matériaux, de sculptures funéraires, les magnifiques demi-statues funéraires représentant des divinités qui se dévoilent ou qui se voilent, et puis on a des portraits funéraires. Et donc on arrive en fait à suivre. Vous les traquez, c'est ça qui est fort. On les traque. Alors, effectivement, j'ai des étudiants aussi qui travaillent beaucoup hein, dessus, Morgan Belzic, Camille Blanchet, qui font un travail admirable de veille documentaire. Parce qu'en fait, on a beau réfléchir justement à comment lutter efficacement contre le trafic des biens culturels, s'il n'y a pas justement des étudiants ou même des... Alors, finalement, à mon échelle, hein, comme enseignant, mais aussi au niveau de l'UNESCO, de l'ICOM, de veille documentaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le nez sur les objets. La création de listes. De listes d'objets volés, mais comment avoir des listes d'objets pillés ? Ça, on peut pas. Donc, c'est effectivement, et moi, j'utilise beaucoup, et c'est vrai que j'ai coordonné la liste rouge pour la Libye, c'est-à-dire de traquer l'objet, c'est traquer aussi des catégories d'objets. Comme ça, on élarge l'éventail, pour permettre eh bien de passer aux mailles du filet tous ces objets qui passent et qui transitent sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est les étonnants circuits courts et complexes d'objets provenant de Cyrénaïque. Il transite par l'Égypte jusqu'aux Émirats Arabes Unis avant de parvenir en Allemagne puis en Espagne, c'est ça ? Oui, c'est là aussi, hein, c'est polymorphe. Hein, je veux dire, ces statues qui justement, eh bien, peuvent dormir. D'autres vont arriver au bout de 3-5 ans en Europe, et d'autres, c'est quelques semaines. Et c'est vrai que la dernière affaire, donc avec cet antiquaire espagnol Rombagot, eh bien là, on a établi un circuit excessivement court. Hein, c'est-à-dire finalement entre 2 et 5 mois. Donc c'est pas effectivement des objets qui dorment et qui se font oublier. Non, c'est des réseaux qui mettent rapidement en relation justement le pilleur avec le vendeur. Hein. Alors après, l'idée c'est quand même aussi de complexifier donc les routes. C'est vrai que il s'agit de déconnecter en fait le moment de l'infraction, donc le pillage, avec le moment de la vente. Donc plus on va multiplier les ventes, plus on va multiplier justement les étapes d'échange, plus on va déconnecter l'objet final avec le moment de l'infraction. Lazare Elundu, visiblement il n'y a pas que notre vieille Europe occidentale. La destination des objets, c'est aussi l'Europe de l'Est, l'Asie, les pays du Golfe. Tout le monde est concerné. On voit très bien que avec l'évolution de notre société, les objets se déplacent très vite. En 2020, l'UNESCO fête les 50 ans de la convention de lutte contre le trafic illicite. 1970. Et que on s'aperçoit que parce que il y a cette situation alarmante et parce que les objets non seulement partent de certains de ces pays mais transitent et que la question de la provenance, de la justification de la documentation, des certificats d'exportation n'est pas encore claire, il est important de se reposer les bonnes questions aujourd'hui, notamment avec la contribution de tous ces experts qui travaillent, qui font que un objet qui part du Mali ou du Sénégal peut très vite se retrouver pas simplement à Paris, mais à Bangkok, à New York et même insoupçonné. Et c'est pourquoi c'est important de travailler ensemble. Vincent Michel, vous avez retrouvé des têtes de Cyrénaïque jusqu'à Jérusalem ? Ah bah oui, c'est-à-dire que là, haute place importante du trafic, comme vous le dites, parce que pays limitrophe à des zones effectivement délicates, parfois en conflit. Là aussi, une grande diaspora, donc c'est aussi une chance d'écouler. Hein, une chance d'écouler, bien évidemment, donc tous ces objets. Et encore une fois, là, c'est sûr que les portraits funéraires venant de Cyrénaïque, j'en vois des nouvelles tous les 6 mois. Non, ça veut dire que là... Ou des arrivages. Des arrivages, voilà, exactement. Et je me souviens d'une anecdote. Je rentre chez un antiquaire dont, bien évidemment, je tairai le nom. Et puis, je fais mon petit tour, comme à chaque fois, où j'invente des histoires. Parfois, je me grime. Enfin, bon, bref, voilà. Et puis, je dis, je suis intéressé par cette belle statue. Et ça vient d'où? Ça vient d'ici. Et il se tourne, effectivement, vers son collègue en disant que cet objet vient de Libye. Mais en arabe, et sans savoir que je parlais l'arabe. Donc là, c'est une preuve, bien évidemment. Autre pays au ventre mou de l'Europe? Quels sont-ils? Il faut dénoncer. Oui. On est dénoncer, mais bon, l'évoquer au moins. Oui, on peut l'évoquer. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir un office central de lutte contre la traite des biens culturels. Donc 25 personnes, dont 17 enquêteurs. On a quand même aussi la chance d'avoir des douanes qui sont particulièrement efficaces dans l'importation, exportation et circulation de biens. C'est pas le cas, effectivement, parfois chez nos voisins, où là, qui ne disposent pas justement de cette police, ou qui ont fermé justement des offices spéciaux. Donc c'est là où on se dit, si on met une personne ou si on ferme, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Notamment, justement, ce journaliste Frédéric Lourd qui vraiment tire la sonnette d'alarme systématiquement pour le quartier des Sablons, donc à Bruxelles, qui dit c'est une plaque tournante. Donc la Belgique. Donc arrêtons de l'ignorer. Et il y a aussi l'Espagne. Et il y a aussi, effectivement, l'Espagne. Mais là, bien évidemment, je suis pas en train de dire que c'est l'Espagne qui va instrumentaliser, qui va se servir sciemment, politiquement, justement, du trafic. Mais qui, parce que délai de prescription, qui, parce que existence ou défaut d'application, ou on se donne pas les moyens. La Convention de 70 dit tout. Il faut simplement la relire. Se doter des moyens. Il faut lutter sur l'importation, exportation. Nous, France, on vient seulement depuis 2016 de contrôler non plus l'exportation, mais l'importation. La Convention de 70, elle date de 70. Voilà. Donc, on a un retard. Et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est relisez les textes. Vous n'avez pas besoin de nouveaux textes. Simplement, relisez les conventions qui existent déjà. Lazare Elundu, le dernier mot. Quelles sont les perspectives d'avenir pour ces antiquités, notamment, bien sûr, ces antiquités de sang? La traçabilité n'est pas toujours de mise. Vous tentez de créer des synergies entre professionnels, c'est bien ça? Oui, nous faisons tout et nous essayons de focaliser nos efforts justement dans ces synergies. Il y a vraiment plusieurs aspects qu'il faut considérer ici. Pas simplement les professionnels, mais aussi le public. Alors, les professionnels, et continuer à former les professionnels des pays sources où partent les antiquités pour mieux les contrôler, mais pas simplement les professionnels, mais les communautés, continuer à les écouter, à les soutenir. La dernière chose aussi, c'est que pour le public, nous avons lancé la semaine dernière une campagne mondiale de lutte contre le trafic illicite. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Et puis, je signale au passage que donc le courrier de l'UNESCO sort un numéro spécial, Trafic illicite des biens culturels, 50 ans de lutte. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Stéphane Touvenin, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et sur l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.